Chapitre 23e. Mariage d'Olivia. Le dernier jour de novembre, une longue file de voitures s'étendait depuis le mur du cimetière jusqu'au milieu de la petite rue du village, attendant l'aristocratique assemblée réunie dans l'église pour assister au mariage de Sir Rupert Lessel avec Olivia Marmaduke. Le baronnet avait déclaré qu'il ne voulait pas faire les choses mesquinement. Il voulait que chacun, dans le comté de Sussex, connût son mariage avec la plus jolie femme du pays, de sorte que des invitations furent envoyées au loin dans toutes les directions. L'état-major de M. Gunter, le chevet anglais, apporta le déjeuner et le gâteau de noces au parc, car Sir Rupert, en défiance de tout le monde, avait insisté pour que le déjeuner eût lieu chez lui et non pas au bocage. « Vous pouvez donner un déjeuner aussi si vous voulez, » avait-il dit au colonel, « mais je ne crois pas que vous ayez assez de place pour la moitié du comté, et je veux que la moitié du comté assiste à ma noce. » Donc Olivia Marmaduke marcha à l'hôtel au milieu d'une multitude de femmes splendidement vêtues et d'hommes élégants. Des soieries magnifiques remplissaient le temple. Des dentelles, des plumes blanches, de merveilleuses fleurs artificielles qui tremblaient sous la rosée de leurs pétales, des flacons d'odeur en or ciselé, et 20 autres objets d'un luxe splendide et recherché étaient si communs dans l'assemblée que les enfants de charité et les villageois qui encombraient tous les coins de l'église n'avaient pas assez d'yeux pour regarder tout ce qu'il y avait à voir et finissaient par s'en aller mécontents. Le bedeau de Lesselwood, avec une immense cocarde en satin attachée sur son gilet neuf, se montra ce matin-là extrêmement roide à l'égard des humbles villageois. Il les repoussait des bancs ou les refoulait dans les coins obscurs et derrière les colonnes, en ayant l'air de ne pouvoir, au fond du cœur, leur permettre d'exister un jour comme celui-ci. « Vraiment, » disait-il d'un ton de reproche à chaque nouveau paysan qui se présentait, « si j'avais su que vous viendriez tous fourrer votre nez par ici, j'aurais pris des arrangements en conséquence. » Un évêque, parent éloigné de la famille de Lessel, vint de l'extrémité orientale de l'Angleterre pour célébrer le mariage, et probablement ce dignitaire ecclésiastique fut trop surpris des manières et de la conduite de son riche parent, Sir Rupert. Son émotion avait donné à ses joues une pâleur de mort, tandis que le bout de son nez pointu et mince s'était rougi par le froid vif et piquant de novembre. Peut-être le baronnet n'avait-il jamais paru plus à son désavantage que ce matin-là. Ses habits lui allaient mal, la fleur même qu'il avait mise à sa boutonnière perdit ses pétales et se fana, comme s'il eût été outré d'un contact aussi honteux. Il laissa tomber son chapeau au milieu de l'église et celui-ci roula jusqu'à l'autre bout, causant une hilarité étouffée parmi l'élégante assistance et un ou deux éclats de rire, promptement réprimés par le bedeau, parmi les spectateurs les plus humbles. Sa main, quand il l'attendit à Olivia pour la conduire à l'hôtel, était froide et humide et tremblait comme une feuille. La fiancée, au contraire, était superbe dans sa fière beauté. Tout le monde à Lesselwood avait considéré Olivia Marmaduke comme une belle fille, mais on l'avait rarement vue autrement que dans son habit de cheval râpé avec un chapeau de paille grossière et son grand tartan de laine. Mais dans ses habits de mariée, sa couronne de fleurs d'oranger et de lys, avec son voile du plus riche point d'Honiton tombant autour d'elle comme une vapeur blanche, elle avait l'air d'une impératrice, et un murmure d'admiration s'échappa de la foule quand elle traversa l'église conduite par son père. Mrs. Walsingham, encore belle à l'âge de 40 ans, était simplement vêtue d'une robe de soie grise. Mais Mrs. Varney portait une robe de satin couleur d'ambre qui brillait au soleil, comme si elle eût été en brocart d'or. Sa beauté était plus splendide même que celle de la mariée, et l'on se demandait qui était cette admirable femme à l'air juif, en robe jaune, et d'où elle venait. Le major semblait parfaitement réconcilié avec ce mariage, auquel il s'était dès le début fortement opposé. Il y assistait et était de très belle humeur. Son gilet blanc semblait plus large que jamais. Peut-être une entrevue qu'il avait eue la veille avec Sir Rupert Lessel était-elle pour quelque chose dans cette radieuse humeur. L'entrevue avait été assez sérieuse en vérité, et on avait fini par appeler M. Salamons afin qu'il servît de témoin à un acte rédigé par le major et signé par le jeune homme. La paix était donc rétablie à Lesselwood, et l'évêque lut le service solennel qui unissait Olivia Marmaduke et le jeune châtelain, dont la main froide et humide tremblait dans celle de sa femme, et la file de voiture revint à Lesselwood Park, où il y eut fête, propos d'amour, causerie et scandale, et où peut-être il n'y avait pas 6 des personnes présentes qui pensassent au bonheur ou au malheur du nouveau couple, qui partit vers 3 heures au bruit des cloches de Lesselwood pour Folkestone, où il devait s'embarquer pour le continent. Le colonel Marmaduke et ses 4 filles restèrent à dîner au château avec Mrs. Walsingham, son second fils, Monsieur le Major et Mrs. Varney. Ils formaient une petite réunion assez agréable. Claribel était bien plus gaie en l'absence de Sir Robert, et le Major fut encore plus aimable que de coutume. Les dames du bocage promenaient des regards étonnés sur les salons splendides. Toute cette richesse, ce luxe et cette magnificence étaient désormais à leur sœur. « Comme Lady Lessel était jolie ce matin, » dit le Major. Mrs. Walsingham tressaillit en entendant prononcer le nom qu'elle avait porté autrefois. Les 4 sœurs d'Olivia sentirent un frisson simultané d'envie. « Lady Lessel. » Oui, c'était la vérité, elle était bien Lady Lessel. Le jour qui précéda celui où fut célébré le mariage de Sir Robert, Walter Remorden quitta le tranquille petit village de Sussex où il était né, et qu'il aimait de cet amour profond qu'un homme a si souvent pour un lieu obscur, qui, sans être très agréable par lui-même, lui est plus cher par la force et la puissance des souvenirs que tout le reste de l'univers. Un train express l'emmenait à Londres, et il regardait encore une fois les vastes plaines unies. Elles lui semblaient magnifiques, même sous ce ciel gris et froid de novembre. Il pensait que Sussex était le plus beau comté de l'Angleterre. « Je regrette déjà mon pays, » se disait-il en lui-même, « et je n'ai pas encore fait 20 000 de mon voyage. Combien il me semble pénible de m'éloigner de tout ce que j'ai aimé. Mais je n'aurais jamais pu rester à Lisselwood et voir la femme de cet homme. » Walter Remorden avait accepté cette cure dans le Yorkshire dans le seul but de s'éloigner du pays habité par la femme qu'il avait aimée. On avait promis à M. Milward une cure meilleure que celle de Lisselwood, et le vicaire avait toutes les chances de succéder au recteur car l'évêque du diocèse connaissait parfaitement la probité du jeune homme. Mais la Providence avait voulu que cet homme allât vivre dans l'obscure villa de Belminster, et le soir même du mariage d'Olivia Marmaduke, Walter Remorden arrivait à sa destination. Or, il advint que Belminster était précisément la même ville calme et tranquille du Yorkshire où M. Salamons avait fait un voyage au mois d'août de la même année, et il n'était pas le mois du monde changé depuis la visite de ce gentleman. Il y avait toujours le même porteur et le même chef à la station du chemin de fer, le même employé au bureau des billets, les mêmes livres et les mêmes journaux. Sur les rayons, on eût dit les mêmes gâteaux et les mêmes bouteilles de soda water sur le buffet. Une carriole moisie traînée par un cheval, qui avait autrefois gagné le prix à une course autour de la ville, transporta Walter et son bagage jusqu'à l'auberge où l'apparition d'un voyageur causait la joie et la consternation. Quelques commerçants de la ville venaient tous les soirs passer quelques heures dans la salle, buvaient de la bière tout en causant avec fort peu d'égard, pour les mérites et les défauts des 2 députés de Belminster. Quelquefois, un voyageur venait à Belminster pour offrir quelques nouveaux articles de consommation aux petits boutiquiers et dîner à l'hôtel. Mais un gentleman qui y passait la nuit et qui, d'après son dire, pourrait y rester un jour ou deux, était en vérité un personnage qu'il fallait traiter avec distinction. On conduisit donc Walter par un large escalier où un feu pétillant avait été allumé exprès pour lui, où il y avait une glace et un tableau représentant la cathédrale et le portrait du cheval qui avait gagné autrefois la coupe d'or de Belminster. La maîtresse de l'auberge, qui avait deviné au porte-manteau de Walter qu'il était le monsieur Remorden qui allait remplir les fonctions de recteur, leva le store et lui montra l'église qui se trouvait juste en face de la fenêtre. « La cathédrale est à l'autre bout de la ville, monsieur, » dit-elle, « mais votre église, c'est-à-dire Saint-Clément, passe pour une belle construction et est, à ce qu'il paraît, la plus ancienne des 2 ». Le jeune homme regarda machinalement la forme brumeuse de l'ancien et bel édifice situé de l'autre côté de la grande place du marché. Il lui était difficile de s'intéresser à ses nouveaux devoirs. Il fit un grand nombre de questions au sujet des pauvres de la ville, pendant que la femme de l'hôtelier mettait son couvert et servait un repas qui eût été suffisant pour 12 de personnes. Il se composait de pain, d'omelette au jambon, de volaille froide, de petits pâtés chauds, de plum cake, de fromage, de conserve, et elle donnait à tout cela la modeste dénomination d'une tasse de thé. Elle en dit assez au recteur, en lui versant son thé, pour le convaincre qu'il y avait beaucoup à faire pour lui à Belminster, et que, quels que fussent ses chagrins, il lui resterait fort peu de temps pour des regards inutiles ou pour de vaines plaintes. « C'est une chose plus belle que toute autre dans cette foi, qu'en la réformant, nous avons dépouillé de beaucoup de choses estimables, pensa le recteur plus tard dans la soirée. C'est cette abnégation de soi-même que l'Église catholique romaine demande à l'homme qui porte sa bannière. L'amour divin, qu'a-t-il à démêler avec l'amour terrestre? Dans les rues populeuses, comme dans le cloître, il vit seul pour l'accomplissement du devoir qui lui est tracé. Nous ne devons pas oublier cependant que Walter Remorden avait été trompé dans son amour et que peut-être une teinte d'ascétisme avait envahi son esprit depuis le jour où il avait été trompé par Olivia Marmadiog.